Alors je m'excuse parce que je suis obligé un peu de m'asseoir, j'ai quelques petits problèmes de santé. Je remercie ce mouvement qui, pour la première fois depuis près de 30 ans, que je me bats pour faire découvrir des scandales, scandales dont j'ai été la victime, parce qu'un procureur un jour a voulu protéger des gens et qu'il est arrivé un grave accident. Je ne sais pas, dans les gens qui connaissent, qui se souviennent de l'affaire du Crédit Lyonnais, où il y a eu les incendies d'ailleurs, et de la mort de M. Chêne, qui était PDG du Crédit Lyonnais. Bon, moi j'ai été escroqué au Crédit Lyonnais. D'abord, je vais me situer. Je suis un ancien collaborateur d'Eddy Barclay. Bon, tout le monde le connaît au moins de nom. C'est un monsieur qui est venu me chercher un jour en me disant « ton prix sera le mien ». J'ai travaillé avec lui, j'ai prédestiné, j'ai travaillé un peu dans l'ombre, puisqu'on travaille autour des artistes. Je m'excuse parce que j'ai une crampe. Et je me suis retrouvé en conflit avec lui. J'ai managé un groupe qui s'appelle Les Enfants Terribles. J'ignorais, Barclay est attaqué par les Américains, puisqu'il avait la distribution de pas mal enfin, ce qui est devenu Warner et tout, de catalogues étrangers. Et je crois qu'il avait des retards de paiement et les Américains, ils rigolent pas, ils l'ont attaqué et ils l'ont même vidé. Moi, je l'ai vu un jour son appartement vidé par les huissiers. Donc, il voulait absolument, moi j'ai quitté parce qu'il y avait un directeur qui mettait en place, d'ailleurs c'est lui qui l'a coulé. Et il mettait en place des gens à lui, et ce que lui a reproché Barclay. Et moi, entre-temps, j'avais quitté sur un coup de colère la maison en passant une annonce dans Le Monde disant que je reprenais ma liberté et que j'étudiais toute proposition. Alors j'ai reçu des propositions, mais aussi des propositions fantaisistes. Alors il y a des gens qui me connaissaient très bien dans le métier qui m'ont proposé, dont Jean-Pierre Pinault, le jeu des métiers de France Inter, etc. Et tout. Bon, j'ai gravité beaucoup. J'ai monté une opération un jour que Roland Dordain, qui était patron de France Inter, a permis, si vous voulez, de se développer. Et dans le contexte qu'il y a eu, je me suis retrouvé avec un groupe qu'on m'a proposé de m'occuper, qui voulait absolument travailler avec moi, qui s'appelait Les Enfants Terribles. Donc pour ça, il faut tenir. J'ai touché des émoluments puisque j'ai quitté la maison. On m'a poussé à la démission. Et ces émoluments, comme par enchantement, j'ai dû aller au Crédit Lyonnais. J'étais dans la même banque pour faciliter le paiement de mes chèques de fin de mois. Je m'excuse hein, parce que j'avais préparé un petit synopsis de façon à pouvoir suivre un peu parce que j'espère que ça ne sera pas trop long, mais il m'est arrivé beaucoup d'affaires en même temps. Et j'ai fait une demande de crédit, et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que le crédit qui m'a été accordé, on m'a demandé de trouver un répondant. Ma mère a répondu pour moi sur des actions qu'elle avait sur la mort de mon père, et ils m'ont fait signer, j'avais sur mon contrat Barclay un aval de la maison Barclay, parce qu'il paraît qu'ils ne payaient les royalties qu'au bout de 2 ans, ce qui est pas vrai, que j'ai appris que c'était pas vrai, donc on pouvait obtenir des avances. J'ai pas eu moyen de me faire payer. Et est arrivé ce virement de 15 000 francs, on m'a redébité. Vous les trouverez là-dedans, vous pourrez avoir la photocopie. 15 traites de 46 000... Comment ? Oui, oui, on m'a débité 15 traites de 462 francs. Et en même temps, bon, c'était en ancien franc. Il y a eu des anciens francs. Mes ennuis ont commencé à partir de 69. Ça s'est terminé en 2006 par un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France à me verser une somme minime parce qu'ils ne peuvent pas intervenir dans les choses internes, et ils estimaient que je n'avais pas utilisé après tant d'années tous les concepts de la justice. Allô ? Oui. Alors, entre-temps, j'ai dû porter plainte. Le procureur de la République de l'époque a refusé ma plainte. Je ne sais pas qui il a voulu protéger, alors qu'il était visible qu'avec ce genre de système, il aurait au moins dû nommer un juge d'instruction ou entamer une information. Et ce monsieur m'a dit « faute d'éléments suffisants ». Donc, j'ai été à la pêche aux éléments. Ça a duré des années, on m'a trimballé de bureau en bureau, on m'a trimballé Vous savez comment ça se passe dans l'administration quand ils ne veulent pas vous donner gain de cause. Et finalement, j'ai atterri chez le chef de cabinet qui s'appelait Monsieur Le Pigeon, qui était le chef de cabinet de Monsieur Chêne. Et au bout d'un moment, je lui ai reproché de me faire venir pour savoir ce qui se passait dans cette agence alors que j'attendais qu'il règle ce problème. Et il m'a dit, Monsieur Chêne va intervenir. Et quelques temps après, j'apprends qu'il était abattu par un jeune qui s'est suicidé à côté de lui. Il y a quelque chose d'encore plus grave. C'est que j'ai essayé de contacter la famille parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est le procureur qui a essayé de me remettre ça sur le dos en prétendant que si je n'avais pas fait appel, ça ne serait pas arrivé. C'est tellement facile, mais moi, il m'a mis la puce à l'oreille que lui, il savait d'où ça venait. Parce que ce jeune a tué M. Chêne à l'époque où il y a eu l'affaire Bess. Hein, je ne sais pas si vous, ceux qui se souviennent de cette époque où il y a eu beaucoup de choses inexpliquées. Et il l'a tué comme fléau du capitalisme. Alors, ça n'avait rien à voir, évidemment. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille, j'ai essayé de contacter un membre de la famille Chêne, et tout à fait par hasard, je suis tombé sur un article quelques temps après du Progrès de Lyon qui stipulait qu'on aurait retrouvé le cadavre dans un coffre de voiture d'un membre de la famille Chêne. Bon, après, donc, moi, il fallait que je gagne ma vie, je m'occupais donc du groupe, à un moment, ils se sont séparés, ils ont fait Bobino, ça a marché très fort, avec Georges Brassens. Et Georges Brassens me les a repris pour les emmener aux anciennes Belgiques, où ils se sont séparés. Donc, tout ça m'a mis dans une situation telle, j'en avais marre du showbiz, et j'ai quitté, j'ai été me reclasser dans le transport. Donc, entre-temps, j'ai d'abord travaillé en intérim, j'ai atterri chez un petit transporteur, bis repetita, j'ai travaillé avec lui plusieurs années, on avait un accord, je faisais le chiffre d'affaires. Et au bout, je me suis retrouvé avoir fait un chiffre d'affaires où à un moment, il voulait que je reprenne son affaire. Il en avait été question, puis ensuite, je pense que j'ai réalisé suffisamment de prouesses. Et je vous assure, j'ai passé quelques années sur le bord de la route, et il fallait surveiller aussi les chargements et tout. Alors j'avais heureusement eu la bonne idée de passer un permis à l'armée, de l'avoir fait transformer puisqu'on pouvait à l'époque. Et j'ai pu me reclasser dans un métier. Je devais toucher soit des bénéfices, enfin, il devait prendre 15% et me comptabiliser. Il l'a comptabilisé en comme s'il me vendait ses camions, etc. et tout, il l'a mis. Et puis, il y a eu un problème. Au moment où ça arrêtait, il s'est mis à me bloquer mon propre camion. Il s'est mis à. Alors, il m'avait même ouvert un compte où je payais les intérêts bancaires de tous les. Parce que. Dans le transport, on paye beaucoup à 30 jours, 60 jours, 90 jours, et même des fois, on ne paye jamais. Donc le résultat a été, c'est que je me suis retrouvé encore une nouvelle fois. Donc j'ai passé un CAP. Ce CAP de transporteur locatier m'a permis de... D'ailleurs, je l'ai passé au mois d'avril 84. Et m'a permis de créer ma propre affaire. Donc j'ai créé mon affaire. Ça a commencé à marcher. J'ai atteint jusqu'à 6 camions. Et à partir de là, j'ai travaillé avec la SNCF. Alors j'ai cru comprendre en rentrant dans le système, qu'on m'a fait comprendre, on ne vous le demande pas ouvertement, on vous dit c'est pas pressé, mais vos véhicules partent à moitié vide le lendemain si vous ne cédez pas, et au bout d'un moment on se débarrasse de vous en vous disant qu'on n'a plus besoin de vous, c'est qu'il fallait payer des pots de vin. Alors depuis, il y a beaucoup de transporteurs qui se payent que pour même atteindre un marché qui est de l'État, il faut payer des pots de vin. Donc vous pouvez travailler que si... et vous êtes pris pratiquement... Donc vous suivez, si ça marche, si vous savez payer. Donc moi, avec cette affaire que j'avais avant et que je poursuivais, il n'était pas question que j'aille payer des pots de vin pour qu'on puisse me tendre un piège et qu'on puisse me foutre en l'air, encore davantage. Je l'avais assez subi comme ça. Donc à un moment, je me suis retrouvé à devoir faire une cessation de paiement. J'ai réclamé le montant des voyages parce qu'un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de la SNCF, enfin de... du CETA marchandises, parce que eux ils disaient qu'ils n'étaient pas filiales, alors qu'ils étaient filiales de la SNCF. Ils vous disent qu'ils sont tout simplement en entreprise privée. Mais le jour où il a fallu passer à la caisse, c'était la SNCF, puisqu'on m'a demandé de retirer ma plainte contre la SNCF. Donc ça prouve bien que tout ça, c'était du baratin. Et il m'avait retenu 430 000 francs, je l'ignorais. Je réclamais donc ce qui m'avait amené à la cessation de paiement. Et je l'ai appris par, je pense que M. Pépi, qui est PDG de la SNCF, est un homme honnête. Il a cherché à me le faire savoir parce que Il n'était pas obligé de le faire. Il avait fait payer le syndic qui avait été désigné, qui était une vraie crapule, hein, et qui était assisté d'un avocat qui, soi-disant, m'aurait assisté dans plusieurs procès. Alors que je l'ai rencontré une seule fois, il est venu. J'ai eu un véhicule qui a été accidenté. Il est venu une seule fois pour défendre, puisqu'il y a eu un, comment on appelle ça, une réunion, si vous voulez, d'information. Et il est venu m'assister derrière. Il ne m'a jamais dit bonjour, il ne m'a jamais parlé. Et ce monsieur, il paraît qu'il m'aura assisté partout. Il a obtenu l'absolution parce que au conseil de l'ordre où j'ai été voir déjà pour une autre affaire où j'ai réclamé, c'est pour vous expliquer comment se passent les affaires avec les avocats. J'avais dû demander au conseil de l'ordre d'intervenir parce que j'avais un avocat, je lui avais chargé de me défendre une facture de 17 000 francs qui n'aurait jamais dû d'ailleurs faire l'objet d'un procès, mais quand les gens ne veulent pas payer, on est obligé de leur réclamer parce que on a beaucoup de difficultés à essayer de gérer. Si vous n'êtes pas payé, vous retrouvez comme je me suis retrouvé d'ailleurs. Et je l'ai traîné devant le conseil de l'ordre parce que ce monsieur m'a remis 10 000 francs sur les 17 000 francs simplement qu'il a réclamé, sans dommage, sans rien du tout, malgré l'interruption du véhicule, malgré le truc. Et il m'a demandé deux acomptes de 1 000 francs de l'époque. Alors, j'espère que vous saurez mettre les anciens francs à peu près pour savoir ce que ça représente. Mais j'ai été obligé d'aller au conseil de l'ordre. On ne lui a même pas dit de me payer les 17 000 francs. C'est la moindre des choses qu'on aurait pu faire. Et ce monsieur a pu ameuter un tas d'avocats. Depuis, je n'ai trouvé aucun avocat qui a voulu reprendre mes affaires et pouvoir indiquer ce qui m'arrive. Donc, entre-temps, j'ai été dans le 18e, j'ai été voir un monsieur qui était député, qui n'était autre qu'Alain Juppé, que Chirac avait présenté pour ça. Et j'ai pris une colère très forte ce jour-là, parce que ce monsieur m'a dit, il faut d'abord prendre une carte du RPR. Alors voilà, c'est ça que je viens vous parler particulièrement, parce que je ne sais pas si je récupérerai un jour un centime. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de la démocratie. C'est-à-dire que ce monsieur monnaie des voix, qu'on est censé que le monde vers lequel on va, c'est secret, quand vous mettez un bulletin dans l'urne, et vous voyez que les propres gens qui devraient défendre vos droits monnaient leur voix, et depuis j'ai eu beaucoup d'ennuis, j'ai pas pu faire valoir mes droits. Excusez-moi. Et j'ai toujours pas touché un centime. Alors cette affaire a été jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, donc, et entre-temps, il y a eu quand même des jugements et des magistrats qui ont fait leur travail. Donc j'ai obtenu des jugements, dont un jugement de la Cour d'appel, qui a rendu responsable le syndic qui n'avait pas constitué avoué. Cet avocat véreux, que j'ai insulté, c'est vrai, parce que je voudrais qu'on comprenne la rancœur que je peux avoir depuis tant d'années, a été prévaloir qu'il m'aurait assisté dans plusieurs autres affaires. Je pense que ça peut être vrai, mais il l'a fait au compte du syndic, j'en suis sûr, qui a dû encaisser tout ça, et on l'a laissé faire. Je pense, parce que j'ai des absences, je ne vous cache pas, il y a des choses que je ne me souviens pas, que je retrouve en reconsultant, et je n'arrive plus, je suis arrivé à saturation, je n'arrive plus à reconstituer ce dossier. Je vais devoir lancer un appel pour que quelqu'un qui peut s'intéresser à une affaire comme celle-là ait envie de la remettre au goût du jour, de façon à ce que je puisse définitivement prouver ce que j'avance. Alors la Cour d'appel a statué, donc rendant responsable le syndic. Il fallait donc lui faire une procédure, et ils ont désigné, ils ont estimé que je n'étais plus en état de défendre mes droits. Donc ils ont désigné un avocat, et je crois qu'il y a eu deux avocats même de désigner, donc par deux juridictions différentes de la Cour d'appel. Et j'attends encore que ces procédures aient été faites, parce que cet avocat a été prétendre qu'il voulait reprendre ce dossier. Il s'est arrangé avec les avocats qui m'ont jeté presque comme une vieille chaussette. Je gênais leur... Vous vous rendez compte, j'avais osé faire un crime de lèse-majesté. Et moi, je suis d'une ancienne génération, donc un avocat s'était respecté parce qu'il respectait sa clientèle. aujourd'hui, il y a des faits troublants qui seraient très très bons de développer pour savoir pourquoi. D'ailleurs, j'ai voulu parler et raconter. On m'a dit, on règle nos comptes entre nous. Oui, il n'y a pas besoin de régler des comptes entre... Il y a un conseil de l'ordre, il faut pouvoir l'atteindre. J'ai eu une fin de non-recevoir tout le temps. On s'aperçoit un peu que ça dépend qui dirige le conseil de l'ordre, donc vous pouvez peut-être arriver à passer. Mais une fois que vous avez eu un interdit, les gens racontent ce qu'ils veulent et ils vous font passer pour un dingue, si éventuellement. J'ai pourtant... je vous présente un dixième des documents. Il y en a pour 8 kilos de lettres de protestation, de refus, de garde des Sceaux répondant à mon député. J'ai fait la connaissance de Jean de Gaulle qui m'a dit « Je vous prends votre dossier parce que... » J'ai atterri dans le 12e, qui m'a dit « Je vous prends votre dossier parce que vous êtes mon administré, il n'y a pas d'obligation, quoi que ce soit », qui m'a trimballé pendant un moment. Et un beau jour, il m'a dit, donc après la lettre de Meynery, qui était garde des Sceaux, il m'a dit « De toute façon, il y a une séparation des pouvoirs et à partir de là, on ne peut plus rien faire ». Alors déjà, je pose la question toujours dans le cadre de la démocratie d'aujourd'hui, parce que je crois qu'elle est bien malade. Oui, bon, justement, mais c'est bon d'appuyer. Je vais falloir, et je vous demande de répandre ce que je vous raconte, j'en prends l'entière responsabilité. Je vais vous donner quelques documents que j'ai pu photocopier et faire savoir, parce qu'il va y avoir un choix à faire du prochain président de la République. Et je crois que ça va être une élection très importante, parce que je crois sans ça que l'étau va se refermer. On dirait qu'il y a un étau qui se referme sur les gens. Alors on vous présente que la France est une grande démocratie, etc. et tout. Moi j'en ai pris plein la gueule, excusez-moi. Et je pourrais encore montrer que j'ai eu une enfance perturbée par le régime de Vichy. Et j'ai l'impression que c'est le même système qui revient. Vous ne pouvez pas faire valoir vos droits si vous tombez dans un certain système. Alors vous m'excuserez, je vais consulter si j'ai rien oublié. Oui, mais justement, est-ce que ça intéresse les gens de le savoir et de ce qui peut se passer? Car moi, je vois 3,5 millions de chômeurs, je vois des gens qui partent avec des plus-values énormes, je vois des entreprises qui coulent, il y a des gens qui essayent d'en redresser, il y en a 10 qui coulent derrière, et on a créé tout un commerce auprès des tribunaux de commerce, ce qui a déjà été dénoncé. Mais ce qu'il y a de bizarre, vous pouvez pas faire valoir vos droits. Alors j'ai oublié, voilà justement c'est important que je reconsulte, j'ai oublié de vous dire que le procureur général Challes, juste à faire nommer dans cette affaire, quand ils ont appris que la SNCF avait payé le syndic et que je ne l'étais même pas au courant, m'ont fait réunir une commission au tribunal de commerce de Versailles et on m'a proposé de retirer ma plainte contre la SNCF. Là, c'était bien la SNCF. Donc j'ai refusé parce qu'on m'a proposé, comme exactement le Conseil de l'Ordre, c'est normal ce qu'on m'a fait, ben à moi de me refaire, on est encore bien gentil de bien vouloir me faire repartir, alors que la cessation de paiement n'est pas un dépôt de bilan. Hein? En plus, on m'a imputé un défaut de livre comptable. Le comptable a refusé de rendre les livres comptables si on ne lui payait pas une rallonge de 15 000 francs. Il avait touché ses émoluments qu'il a exigés au départ, alors que j'espérais qu'il me... Vous savez, comme toute entreprise, quand ça se passe bien, on vous fait payer tous les 3 mois certaines factures et certains mois, il y a des possibilités de travailler comme ça. Donc, j'en suis là. J'ai porté plainte. Je ne me suis pas gêné, j'ai porté plainte contre le procureur général Challes, patron de Versailles et le juge d'instruction Charpier. Cette plainte a été transformée en plainte contre X. Ils l'ont fait gentiment traîner le temps qu'il faut et après ils ont conclu à des faits prescrits. Aucune information, rien du tout. Voilà ce que c'est que la justice, tout au moins dans la partie qui est commerciale. Et moi c'est normal, j'ai failli finir clochard. Bon ça va, je suis quelqu'un qui a du courage, là je ne peux plus faire grand chose. Hein, ils m'ont poussé à l'infractus, j'ai fait un infractus, j'ai été opéré d'un double pontage, je fais du diabète, du cholestérol, enfin j'ai la totale quoi. Hein, et tout ça parce que je me suis fait beaucoup de soucis et que j'ai dû mettre les bouchées doubles parce qu'à chaque fois qu'il faut recommencer à zéro, eh bien ça coûte très cher en santé. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, je suis à leur disposition. Alors. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'on m'avait téléphoné au CETA me disant qu'il y avait un manque de personnel et qu'il me manquerait tous les mois. Parce que le pas de facture, c'est eux qui les font. Et ils vous comptabilisent les voyages qui sont censés avoir été faits. Alors tous les mois, il en manque un ou deux ou trois. Ça s'augmente. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à 430 000 francs. Alors que moi, ils m'ont pratiquement foutu dehors parce que j'aurais bloqué 24 palettes de céramique. Que j'ai reçu un coup de téléphone, vous voyez, j'oubliais certaines choses qui sont importantes, que j'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur, je me souviens plus de son nom, je veux pas, parce que des fois je confonds, j'ai eu tellement de problèmes, que des fois je confonds entre l'un ou l'autre, et qui m'a dit, monsieur, allez livrer ces 24 palettes, c'était pour, vous savez, ceux qui font les portes-fenêtres, etc., qui sont vers Aubervilliers, là, et il m'a dit, parce que vous allez nous faire perdre le client, je vous promets que je m'occupe de votre affaire dès que vous me ramenez le bordereau de livraison. Donc j'ai demandé à un chauffeur d'aller livrer la marchandise. Il est revenu avec le bordereau. J'ai envoyé le bordereau comme j'envoyais les bordereaux tous les mois. Et j'ai téléphoné pour savoir où ça en était. Et on m'a dit, mais ce monsieur, il est à la retraite depuis 3 mois. Voilà le genre de truc dans lequel... Je ne sais pas si je vous ai raconté de la même manière. Quand, après la mort de M. Chen, j'ai re-rencontré M. Le Pigeon, qui m'a donné un rendez-vous pour me présenter le nouveau PDG. Alors, il y a eu M. Peralvade, mais il y a eu un autre PDG de transition. Et j'ai été à mon rendez-vous. Il voulait me le présenter. Quelqu'un est venu me chercher et on m'a poussé par une porte de côté en me foutant dehors. Hein, très gentiment, j'ai vite téléphoné dès que je suis re-rentré chez moi. Et on m'a dit, mais ce monsieur a été muté dans une agence et c'était terminé. Voilà, je n'ai subi que des choses comme ça. Je voulais vous faire part donc de la justice et comment actuellement, je pense qu'il y a beaucoup d'autres histoires. Et c'est ce qui ramène maintenant qu'actuellement, la démocratie est très en jeu. Donc, c'est là qu'il va falloir quand même que les gens réfléchissent. Répandez ce que, surtout l'attitude de M. Juppé, parce que si il est élu président de la République, ça peut arriver, hein, puisqu'il paraît qu'il est haut dans les sondages, il risque de choisir que les gens qui seront pour lui. Alors vous vous rendez compte d'une belle démocratie qu'on va avoir. Hein, y en a qui vont attendre à la porte. Hein. D'ailleurs, c'est honteux depuis des années, ces bagarres de chiffonniers qu'il y a entre les gens. Excusez-moi. Hein. Ces bagarres de chiffonniers qu'il y a pour avoir le pouvoir, comme a dit Mitterrand, je sais pas si de son temps, moi j'ai pas pu non plus faire grand chose, mais au moins il a dit une chose qui est juste, elle doit être bonne la place, ils la veulent tous. Mais il y a d'autres places qu'ils veulent. Hein, il y en a qui se placent très très bien. Alors ce devoir de réserve, faut le faire sauter. Il faut créer des commissions qui permettent que quelqu'un qui est lésé par la justice, qui joue d'ailleurs. Oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai saisi un médiateur là maintenant, donc je vais envoyer le double de la réponse que je lui ai faite, parce que c'est un monsieur que je croyais avoir convaincu qui allait faire un rapport au président de la République. Il n'y a que lui qui peut maintenant faire ressortir ce dossier, car on me balance des faits prescrits. Mais les faits prescrits ont été provoqués. J'ai un jugement qui prétendait que je ne pouvais plus défendre mes droits. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? Ça veut dire... C'est pour ça que je parle du régime de Vichy. C'est ce qui est arrivé à ma famille dans cette époque-là. C'est le même système. Et je pense qu'il est très, très important qu'on en parle. Voilà, bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Bonsoir. Bonjour. Quand le monsieur dit la démocratie, je me pose la question de quelle démocratie, elle est où la démocratie en France? Les moyens de communication sont contrôlés par l'État, soit à la radio, soit à la télévision, soit à Internet. Alors, quelle démocratie? Moi, j'ai mon camping-car avec assurance contrôle technique et carte grise, et ma Jeep, une voiture aussi, à la Fourrière, de forme illégale depuis 15 octobre 2014. Le commissaire m'a dit, monsieur, il dit, j'ai apporté plein contrôle. Il m'a dit, monsieur, si vous croyez à la justice, vous perdez votre temps. Il y a plus de 5 ans qu'on a essayé de porter plainte contre moi. Effectivement, il a raison, parce que j'ai porté plainte au parquet. Et il m'a répondu quelques mois après, mais pas parce qu'il m'a répondu par courrier, parce qu'il était là à Fort du parquet de Nanterre. Il m'a dit, comme les faits ne sont pas prouvés, il n'y a pas de suite. Alors je me demande, si les faits ne sont pas prouvés, qu'est-ce qui fait mon camping-car et ma voiture en la forêt depuis 15 octobre 2014? Quelle preuve il vaut de plus le parquet? Après, il est assis le défenseur de droit. Ça ne sert à rien. C'est un vrai mensonge. Ça, c'est pour tromper les gens. Et le défenseur de droit, ça ne sert à rien. Alors, ça ne sert à rien qu'on paye à des gens pour dire qu'il y a un défenseur de droit en France, parce que ça ne sert à rien. Je l'ai appelé plus de 20 fois. Il ne m'a jamais fait quoi que ce soit. J'attends toujours. Alors, j'ai saisi l'inspection générale de la police nationale. J'ai jamais été convoqué ni entendu pour quoi que ce soit. Vous savez que c'est la mafia. La justice, c'est la mafia. À la fin, IGPN, défenseur de droit, parquet. Après, là, il vient de choisir le doyen des juges d'instruction. Il m'a répondu disant qu'il apporte la preuve de la plainte qu'il a déposée contre le commissaire Olivier Bonfond de Gembir, qui actuellement se trouve en Nanterre, département 78, pour violation de domicile, abus de pouvoir, détention illégale et chantage. J'attends toujours, et voilà, ça peut durer éternellement, mais dit qu'ils sont là-bas en train de pourrir avec assurance contre le train carterise. Simplement parce que mon camping-car était mal garé. Et alors ma voiture n'était pas mal garée, mais comme il a vu que c'était à moi, il a embarqué les deux. Il m'a dit, monsieur, si vous voulez récupérer vos véhicules, vous me donnez photo, ADN et empreinte. J'ai dit, monsieur, je n'ai pas commis de délit, je n'ai pas pourquoi vous donner ça à midi, je ne me rends pas les véhicules. Et ça, si, ça, ça continue à ça, ça continue comme ça, depuis 15 octobre 2014. Si ce n'est pas la mafia, la justice en France, c'est quoi? Parce que tous sont tous complices. Et il ne faut pas croire en cette merde de démocratie qu'il y a, parce qu'ici n'y a pas de démocratie, ni en Espagne non plus. Je suis espagnol. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. No, méfiez-vous de la police, des tribunaux, des juges, de tout. C'est tout un pur mensonge. Il faut une vraie révolution où le peuple prend le pouvoir. Parce qu'actuellement, on se fout de la gueule de tout le monde. Surtout de les pauvres. Les riches, ils ont ces moyens de payer ses avocats, ses juges et tout ce que vous. Mais nous, le peuple, on a droit à rien. C'est un vrai mensonge, l'état de droit qui dit qu'il existe en France. Merci. Oui, alors, est-ce que des gens veulent me poser des questions? J'ai mis à la disposition un petit dossier avec des photocopies où vous avez la possibilité de demander des copies sur ce que je vous raconte. Hein, parce que je ne viens pas sans apporter de preuves de ce que j'avance. Il y a une autre chose, donc j'ai saisi le médiateur. J'ai cru qu'il allait faire quelque chose, parce que seul, c'est ça que je voulais vous dire, seul le président de la République peut maintenant ordonner qu'il y ait une nouvelle enquête, et éventuellement même faire refaire le procès. Je ne sais pas s'il le fera, c'est bon de savoir son attitude dans une affaire comme ça, parce que pour moi, la démocratie, ça n'existe pas. Je suis même un anonyme parmi d'autres. J'envisage même de foutre le camp à 80 ans. Ça fait pas plaisir. Je ne crois plus à la justice. Je ne crois plus dans ce pays. Et pourtant, c'est un pays que j'ai défendu comme un dingue. Je me suis tapé 32 mois de service militaire. On a été maintenu au-dessus de la durée légale. Moi, j'ai respecté les lois. J'en ai pris plein la gueule. Qu'on m'explique comment. Et on permet à des gens de faire de la fortune sur le travail des autres sans qu'on puisse. À partir du moment où vous ne suivez pas leurs directives et ce qu'ils veulent de vous. Oui, vous avez dit à un moment qu'ils avaient considéré que vous n'étiez plus capable de défendre vos droits. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ont établi ce jugement, que vous n'étiez plus capable de défendre vos droits? C'était peut-être plus ça. Ah ben ça, il faudrait leur demander. Ils ont nommé, mais attention, ils ont rendu responsable le syndic qui n'avait pas constitué avoué. Et moi, j'ai dedans, je vous ai fait des photocopies d'un jugement. Vous savez, il y a ce qu'ils appellent une... Vous pouvez me donner le dossier bleu, hein. Pas ça, oui, voilà ça. Regardez voir le tout. Vous avez les deux jugements de la Cour européenne des droits de l'homme, hein, vous voyez. Donc on m'a viré 15 000 francs, il y a un point d'interrogation parce que j'ai eu un autre truc qui est curieux. On m'a demandé un jour si on pouvait donner l'autorisation de représenter un chèque quand j'ai payé, vous savez, le tiers comptant qu'on paye quand on achète une voiture. Bon, moi, à l'époque, j'y voyais pas de mal, j'ai donné mon autorisation, mais je vois pas, quand on doit représenter un chèque, qu'on ait besoin de demander à la personne de le représenter. Il aurait soi-disant égaré. Donc, j'ai des décalages là-dedans. J'ai dans d'autres documents, mais qu'il faut faire photocopier. Donc, si les gens, ça les intéresse, je laisse mon téléphone. Ils peuvent venir photocopier tout ce qu'ils veulent chez moi. Hein, ou je peux trouver... Ce qui m'intéresserait, c'est de trouver quelqu'un qui soit imbu de la justice et qui a envie de s'occuper d'une affaire comme ça. Elle vaut la peine et j'aimerais bien qu'elle prenne le chemin du grand jour, même si je ne récupère rien. Je voudrais qu'on rende hommage à un PDG qui était honnête et qui l'a payé de sa vie pour avoir voulu rectifier les erreurs d'un procureur. C'est, comment est-ce qu'on choisit des gens comme ça? Ce monsieur a essayé de faire croire que c'était de ma faute parce que j'avais fait appel. Donc il savait d'où ça venait, ce crime. Donc ce jeune a été conditionné, c'est certain. Il a été conditionné par des gens comme le Dash, là, conditionné, et comme quoi ils n'ont rien inventé. Et je pense que dans certains cas, il existe des histoires comme ça. Hein, il y a eu des précédents, il y a eu des... Puis je ne sais pas, vous êtes jeune, il y a eu des choses très, très particulières après mai 68 qui se sont passées, où il y a eu des affaires inexpliquées, où il y a eu l'affaire Moulin, où il y a eu l'affaire... Tout ça n'est pas expliqué véritablement noir sur blanc. C'est très curieux. Pour les nouveaux arrivants, est-ce que c'est possible que vous fassiez une petite phrase pour expliquer un petit peu, mais très rapidement, oui, l'affaire de base, pour qu'on puisse suivre L'affaire de... Pour ceux qui viennent d'arriver, l'affaire de base. Ben, j'explique les escroqueries dont j'ai été la victime au Crédit Lyonnais. Avec Barclay, où j'ai jamais touché de royalty, avec j'ai monté une affaire, on m'a coulé, et à partir du moment où c'est-à-dire j'ai dû faire une cessation de paiement, on m'avait mis en liquidation, le syndic très pressé a vite vendu mes camions, etc. et tout, alors qu'entre temps on a découvert que la SNCF avait effectivement vérifié qu'on m'avait retenu 430 000 francs, ce qui était une somme énorme. J'avais 7 salariés, je ne pouvais plus les payer. Hein? Et très souvent, c'est vous qu'on montre du doigt. Vous payez si vous touchez, ou alors vous prenez un fusil, vous allez faire un hold-up. Hein? Donc, c'est pas mon style. Donc, à partir de là, je me suis retrouvé avec toutes ces affaires. Rien que le peu qu'il y a là, déjà, doit donner une explication à ce que je vous ai donné. Ce qui serait formidable, c'est si ça faisait boule de neige. Hein? Alors, je répète que. J'ai été voir, c'est ça les élus, j'ai fait des appels auprès d'élus, j'ai eu des fins de non, le conseil de l'ordre des avocats, vous pouvez pas les atteindre. Wow, je sais, ils m'aiment pas beaucoup parce que je leur ai souhaité des bonnes affaires. Vous savez, moi j'ai été, mon premier avocat, j'ai été, vous savez, quand on a indiqué dans les mairies on pouvait avoir de l'aide et trouver des avocats, et je suis tombé sur un gars qui cherchait des bons pigeons. Hein, alors vous savez... Ça, c'est inadmissible, et que vous puissiez pas le faire condamner, et qu'on vous, on l'oblige même pas à vous payer ce pourquoi vous l'avez, mandaté, c'est abominable. Et je peux vous garantir qu'il y a des avocats, et ça s'est fait ouvertement. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai raconté l'anecdote. J'ai raconté mon histoire comme je vous la raconte aujourd'hui, partout où j'ai pu aller. J'ai essayé de trouver des gens. Malheureusement, j'en ai pas trouvé beaucoup. Mais il y a quand même une dame qui m'a, un couple qui est mature et qui m'a dit, ben nous on avait un avocat, on a une histoire, et devant nous il a demandé, alors j'ai oublié de demander si c'était pour leur affaire ou pour une autre affaire, il leur a dit, laisse-moi gagner cette affaire, je te revaudrai ça. Quand on entend ça, il y a de quoi avoir, aller faire des barricades. C'est inimaginable. Quand un monsieur qui va se présenter à la présidence de la République peut vous dire qu'il faut d'abord prendre une carte du RPR, c'est le RPR à l'époque, c'est un scandale. Et que derrière, se rendant compte sans aucun doute que peut-être il avait fait une connerie, par derrière, comme par enchantement, je me suis fait barrer la route partout. Voilà, j'espère que vous avez peut-être compris. Et éventuellement, vous pouvez avoir des photocopies, vous les demandez, j'espère qu'on pourra leur transmettre. Il n'y a pas de problème. J'ai laissé des cartes éventuellement si on veut. Ce que je demande, c'est qu'il n'y ait pas de farfelu parce que quand j'avais passé mon annonce dans Le Monde, les deux tiers, c'était des farfelus qui me téléphonaient pour me demander si du fait que je reprenais ma liberté, je sortais de prison. Vous voyez, c'est une connerie de ce genre. Hein, moi, j'avais envie de... Je vous le cache pas, de donner une leçon à Barclay qui n'intervenait pas, quoi. Hein? Alors, il a tout fait pour que je revienne, et le jour où ça aurait pu s'arranger, je dois venir travailler à l'œil, lui redresser sa maison. Je sais même pas si j'en aurais été capable. Je connaissais pas les comptes et tout. J'ai appris après qu'il était au bord de la faillite, quoi. Alors, il s'en est très bien tiré. Il a omis de payer des gens comme moi, des artistes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une dislocation de son affaire qui a été reprise par Philips et qui... Tous les autres ont été repris par Universal. Et au passage, il y a un monsieur qui s'appelle Messier qu'on a vituperé, mais parce qu'il y a des gens qui avaient mis de l'argent dans Universal. Et finalement, c'est quand même un gars qui a créé la première affaire médiatique du monde. Et je trouve qu'on a été injuste avec lui. Et moi, je sais qu'il a eu au départ cette affaire. C'est une affaire où je crois qu'il dépendait aussi de d'une affaire minière ou je sais pas quoi, et où il y avait ce côté-là. Enfin, il y a eu un truc. Il a remonté cette affaire, il l'a fait, et puis après on lui a contesté. Moi, j'ai eu un avocat. Moi, si j'avais pas écrit à la Cour européenne des droits de l'homme, il réclamait juste le montant de ses honoraires. Et je pense même qu'il était en train de me faire perdre, parce que j'ai un autre... Bon, je ne l'ai pas mis parce que j'étais pris par le temps. J'avais un, comment on appelle ça, un autre jugement qui est la préparation pour voir si la plainte est recevable ou pas, parce qu'ils prennent des précautions à la Cour européenne. Et à cette époque-là, ça a failli être rejeté. Ma lettre a dû arriver entre-temps, ils ont réexaminé plus près, certainement. Là, je l'aurais appris parce qu'ils vous demandent, ils m'ont envoyé des feuilles à remplir pour expliquer mon affaire. Et là, j'ai obtenu 10 000 euros et 2 000 euros pour... c'est la seule somme que j'ai eue. Mais ils ne pouvaient pas intervenir sur le fond, quoi, en quelque sorte, sur les lois françaises. Ils ne peuvent que... rappeler qu'il y a des conventions et la convention a été violée en vertu de l'article 1 et 6. Donc il y avait 4 demandes, hein, puisqu'il y avait 4 possibilités de que ça a été violé, et il y a deux conventions qui ont été retenues. Voilà, j'espère que... j'ai pas beaucoup de monde, mais peut-être que des gens quand même... Est-ce que vous avez une remarque, une question ? Il y a des gens qui sont encore dans le show business qui m'ont bien connu et je ne sais pas s'ils parleront de moi, de ce que j'ai fait. Et bon, moi j'ai disparu écœuré parce que j'avais plus envie du tout de fréquenter ce milieu. Il a pris une tournure parce que je crois que des gens étaient... La mai 68 a bouleversé un tas de choses. Alors ça a été très bon pour M. Cotmadit qui est devenu député. Sauvageau a disparu. Faut se souvenir de tout ça, qu'il y a des gens qui savent manipuler les autres. Non seulement j'ai croisé, mais j'étais le meilleur. Je me suis occupé de sa promotion, puisque j'étais chez Barclay. Et il était chez Barclay. Hein, je peux même vous dire qu'à un moment, même à Aznavour, il paraît que j'étais le meilleur. Hein, mais je ne vous cache pas que je ne veux pas vous parler de mes rapports. Mais j'avais dans mon groupe une fille qui s'appelait Luce Farel, qui était la femme du chef de groupe des Enfants Terribles. Si vous retrouvez peut-être un jour ces disques, moi je pourrais vous faire entendre. C'était des... Comment ? Non. Luce Farel. Alors ce chef de groupe, j'ai entreaperçu qu'il était décédé à Lunel, qui faisait des chansons formidables, au point que des gens comme Fernand Reynaud me disaient « Bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut se battre derrière eux ?» Brassens m'a dit « Je les prends tout de suite. » Et c'était quelque chose. Alors, je peux vous parler de Léo Ferré parce que c'est un caractère très spécial. C'est un type qui était contre tout. C'était l'anarchisme dans sa totalité. Même au... Comment ? Ah bon ? Bon. Bon, mais peut-être aussi, par contre, il y a quelqu'un qui doit reprendre la parole, non ? Je peux vous parler en privé, hein, éventuellement. Hein, bon, c'est un homme, même quand il prenait l'avion, il disait, mais qu'est-ce que c'est que ces merdes ? Bon, il était comme ça, il était... C'est un anarchiste. Mais je voulais faire un spectacle un jour et le faire apparaître à l'Olympia, quand il chantait cet extra, parce que ça a été quelque chose de... Autant que Amsterdam pour Brel, où j'ai été à la première. Brel, j'avais beaucoup... Il m'aimait bien. Il disait de moi que je rentrais par les portes, qu'on me virait par les portes et je rentrais par les fenêtres et que c'était bien. J'ai été attaché de presse chez Barclay et chez Vogue. Chez Vogue, j'ai été 5 ans. J'étais à l'époque où on a fait démarrer François Hardy et Jacques Dutronc. J'étais ami avec Pierre Perret, que j'ai perdu de vue. Tous ces gens-là, je les ai tous perdus de vue. Et il y a un monsieur qui actuellement vient de monter un groupe. Peut-être que je vais aller le voir, je ne sais pas. C'est comment il s'appelle? Vous voyez, il y a des moments j'ai des absences. Ah, ça va me revenir, hein, vous inquiétez pas. Parce que je l'ai bien connu, c'était un ami. Oh, mince alors. Vous voyez, il a fallu que j'aie... C'est... Ah, mince. Oh. Il a été directeur à l'ORTF, il a été... comment il s'appelle? Oh mince alors, c'est incroyable, j'ai une absence, j'ai pensé à lui toute la journée. Comment ? Non, non, mais c'est si on veut parler de moi, parce que lui vous parlera de moi. Hein, j'étais assez ami avec lui, il m'aimait bien. Vous savez, j'ai monté l'opération de lancement de Mireille Mathieu pour la sortie de son premier disque à Avignon. J'ai fait venir des gens, il y en avait dans les arbres, il y en avait partout. Et Johnny Star, qui voulait pas le faire parce qu'il avait deux voyages à payer, monsieur, il a soutiré 17 millions à Johnny Star, à Barclay à l'époque, pour le contrat, et ça le gênait de payer parce que c'était à Avignon, et il m'a serré dans ses bras, il m'a dit dire que je voulais pas le faire, tellement il y avait du monde partout. C'est incroyable, ça a été le phénomène. J'ai dû faire venir des disques de Paris parce que, il y avait certains disquaires que je connaissais venaient me trouver en me disant il nous faut absolument des disques. C'est Marché Noir, Mireille Mathieu. Jamais elle n'a parlé de moi. Ça, je ne lui pardonnerai jamais. Car elle m'appelait Tonton Blum. Les artistes m'appelaient Blum. Voilà. Et j'ai eu un coup de foot pour Les Enfants Terribles. Ça commence à très bien marcher. Ils auraient dû faire le tour du monde. Et ils se sont séparés. Il y a eu des problèmes... Beaucoup par la faute du chef qui a laissé faire certaines choses. Bon, enfin, c'est la vie, ça. Mais moi, ça m'a fait quitter le métier. Parce que le jour où quelque chose marche, vous avez un tas de gens qui s'agglutinent tout autour et qui ont envie de venir grappiller, de vous piquer les artistes, de... Alors, il y avait Alain Ferral. C'était une famille, hein, dont un cousin à la... ce qu'on appelle à la manière de Bretagne, je ne sais pas comment on dit, qui était plutôt un parent éloigné, quoi. Alors, il y avait Jackie Mouton, il y avait Luce Farel, il y avait France Pommier. Comment ? Mais à l'époque, ils commençaient à faire parler d'eux. Je suis sûr et certain que Barclay nous a caché 800 000... 45 tours au moins de vente, alors qu'il paraît qu'ils ne vendaient pas, et pourtant ils faisaient un tabac partout, et ils ont vendu au moins 100 000 albums. Bon, eux, ils avaient une répartition par les droits d'auteur, et par donc je ne sais pas ce qu'ils ont été payés, moi j'avais pas accès, alors que j'aurais dû avoir accès, car sur mon contrat, j'étais le sixième enfant terrible. C'était un petit peu comme les Beatles avec qui vient de mourir là, avec leur manager, et tout ça, c'est estompé. Et j'ai peut-être eu tort de m'emporter. J'aurais dû me retirer pendant quelque temps et peut-être revenir. Mais vous savez, quand vous êtes écœuré, il y a un moment, ça passe plus. Moi, je peux vous dire, j'ai défendu des artistes parce que j'y croyais. Il y a des artistes qu'on me demandait de défendre. j'étais un peu mou, parce que j'y croyais pas. Et pourtant, il y a des artistes qui ont réussi. Moi, j'étais à l'époque des débuts de Michel Sardou. J'avais même une photo de lui en bas de Montmartre. J'avais de l'époque où je m'occupais de la promotion de chez Barclay. Il y avait beaucoup de choses. Hein. Non, mais...